Hey, le rap ma thérapie. T-E-Z V-I-N-Z 9-300 9-4-500. Ok, on me demande du vénère, alors au micro je persévère. V-I-N-Z, aussi fort que percé devant Lucifer. Je reste lucide, frère, et devant moi les putes ont de l'urticaire. Je parle pas trop, mes soucis, mon pull, on reste mon seul confident. Les conflits, je suis en plein dedans, c'est ma faute, mais je me plains dans. Toujours partant pour n'importe quel plan. Appelle-moi MC, pas le temps, je me pâme quand j'entends ou je vois les gens qui me sous-estiment. Sous Epstein, puis quand je quitte le beat, tu vois les zoulettes qui me tirent les chiffres, putain. Quand j'ai pas mon pilon digestif, va prendre des nouvelles directives. Tout en évitant les tirs, j'ai un grand cœur, ce qui fait que certains n'ont bien profité. Maintenant, je sais plus comment trier. Les potes des prostituées, je sais plus trop me situer. Donc, au mic, laisse-moi m'évader. Je marche à contre-courant et c'est la merde, je leur sens dans mon compte courant. Le temps court, hein, et ça, tu le ressens jour après jour. Le shit joue des touristes, là, tu le vois quand tu te lèves plus pour aller en cours. Les années passent et les amis taillent. Toujours le même shit dans nos amygdales. Ça veut de la maille, donc on voit ça détaille. En espérant ne pas croiser la flicaille. Les années passent et les amis taillent. Toujours le même shit dans nos amygdales. Ça veut de la maille, donc on voit ça détaille. En espérant ne pas croiser la flicaille. J'aurais voulu avoir la vie où les billets doubleraient de volume. J'aurais voulu que mes notes évoluent, mais à la place j'ai volé. Séché et roulé, multiproduit. Je reproduis ce que je vois, ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui. Toujours les mêmes questions qui tournent en boucle. Toujours ces insultes, y'a pas de mots doux. Protège-toi quand tout loupe. J'aurais voulu qu'on me laisse tranquille, mais on me suit à la loupe. Je suis à deux doigts de claquer la lourde, parce que l'atmosphère boue. Ta peau te faire beau, ta peau peut te faire un coup jusqu'au bout et ça jusqu'au cou. J'aurais voulu avoir des tonnes de choses, mais ce qui m'étonne, c'est le changement d'un sauce face à des sous. Sur mon dos, une étiquette, club fait chier, sort le cricket. Au moindre sifflement, je guette. Coupe détail la plaquette, code code débarque les decks, cache les bails et fait MDEC. La CVINZ qui brave les interdits, brave et intrépide. Moi j'entends brailler les imbéciles. Pour la gloire, je ne pas mon cul, braquerai la vache et d'interville. N'interviens pas dans nos vies ici, les loups sont de sortie. Faire en sorte qu'ils ferment tous leur cul une bonne fois pour tout. Ici c'est pas Kaboul, gros, mais au micro je crache des douilles. J'ai passé l'âge des soirées, ambiance comico, à traîner au bistrot. J'ai pas m'y mettre déjà que je piche trop. 23 piges, gros, et je reste toujours du compte à Obispo. Crima, dernière garo, et si les frères sont paros, ça sent pas bon, c'est pas rosé, ça me l'avait dit le daron. C'est dingon. Dans une putain de génération, rallume mon pilon et sort la putain de bouteille bourbon. Les années passent et les amis taillent. Toujours le même shit dans nos amygdales. Ça veut de la maille, donc on voit ça détaille. En espérant ne pas croiser la flicaille. Les années passent et les amis taillent. Toujours le même shit dans nos amygdales. Ça veut de la maille, donc on voit ça détaille. En espérant ne pas croiser la flicaille. 2010, mes textes sont puissants, violents, insolents, insolents. Pour ceux-là qui me disent franchement tes saumons sont excellents. C'est vrai que tu vives, mais pour percer c'est lent. Ici les rêves sont grands comme l'océan, mais c'est néant. On veut sortir de la galère, mais souci c'est le salaire, sa mère. Combien de frères on incarcère, alors accélère les affaires. Fais gaffe à qui t'a affaire, qui t'a perdu bif à la fin. Trop de bâtards qui laissent crever même si t'as faim. T'as les détailleurs de rimes comme de barrettes. Et toi la mise, arrête de jouer la starlette. Surtout si tu suces des pénis au macto dans les toilettes. Rien ne m'arrête quand je rafle pas sur bloc comme ton père en volant d'un Touareg.